Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 3 juillet, nous souhaitons une bonne fête au Thomas. Ça vient de l'araméen signifiant jumeau. Thomas est un être secret, réservé, souvent mystérieux pour son entourage. Il est de ceux qui réfléchissent avant d'agir. Ses sentiments et ses émotions s'accumulent pendant un certain temps, ce qui le fait passer le plus souvent pour flegmatique ou insensible, alors qu'en fait il n'est qu'intérieur. Il reste longtemps sous le coup d'une même émotion, que ce soit la joie ou la peine. Il a du mal à s'adapter aux nouvelles situations qui s'offrent à lui. Lorsque parfois il se laisse aller à un excès de colère, il déconcerte totalement son entourage qui ne comprend pas cette réaction intempestive. Celle-ci n'est pourtant que la résultante d'une longue série de blessures qu'il a avec plus ou moins de bonheur accumulées et refoulées. Particulièrement marqué par les signes de terre, il en possède les caractéristiques: patience, possessivité, fidélité, stabilité. Matérialisme. C'est un homme pragmatique, réaliste et rationnel, peu influençable ni impressionnable, qui ne croit que ce qu'il voit, comme le saint dont il porte le nom. Il est même entêté, attention aux œillères ou à la mauvaise foi qui le font s'enfermer dans une situation alors qu'il a tort. Sa sociabilité n'est pas très développée, il est sélectif et n'apprécie guère la foule ou le bruit. Néanmoins, c'est un affectif très attaché à sa famille, dont il se sent toujours un peu responsable. Dicton du jour à la Saint-Thomas, les jours sont au plus bas. Célébration internationale aujourd'hui, journée mondiale sans sac plastique. En Argentine, la journée des bio-ingénieurs. Biélorussie, fête de l'indépendance. Et aux îles Vierges américaines, fête de l'émancipation. Dans les événements qui se sont déroulés un 3 juillet 987, Hugues Capet était sacré roi des Francs. Et en 1962, le président de Gaulle annonçait officiellement la reconnaissance par la France de l'indépendance de l'Algérie. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Eddie Mitchell et pas de Boogie Woogie. Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Afin d'observer les réactions sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le sermon du boogie woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous au cœur. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre père éternel. Donc pas de boogie woogie avant vos prières du soir. Elles sont parties. Dieu, je reste seul dans ta maison. J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon? Si ton père m'a fait perdre l'affaire, j'irai tout droit en enfer. Mais j'essaierai encore à la messe de midi le sermon du boogie woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, encore une fois, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie woogie avant vos prières. Pas de Boogie Woogie, Eddie Mitchell sur RGM. Un peu plus de 8h36, allez, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 3 juillet 1942, naissance d'Eddie Mitchell, chanteur, acteur français, vu dans Promotion Canapé, La Cité de la Peur, Le Bonheur est dans le Pré, Tanguy ou encore Salaud, on t'aime. 1944, naissance de Michel Polnareff, chanteur français. 1947, naissance de Pierre Martinet, industriel, homme d'affaires français, le traiteur intraitable. 1949, naissance de Roland Magdan, humoriste, acteur français, vu dans Les Enfants du Marais, dans le rôle de Félix. À la télévision, dans Navarro, Les Cordiers, Jugé flic, Camping Paradis, Parents, Mode d'emploi, Joséphine, Ange gardien, ou encore Le Tuteur, dans le rôle de François Etchegaray. 1950, naissance d'Elie Chouraki, réalisateur français à qui l'on doit Mon Premier Amour, Man on Fire, Au Jérusalem, Celle que j'aime, ou encore les spectacles Les Dix Commandements et Spartacus le Gladiateur. 1962, naissance de Tom Cruise, acteur producteur américain, vu dans Risky Business, Top Gun dans le rôle de Pete Mitchell alias Maverick, Rain Man dans le rôle de Charlie Babbitt, né un 4 juillet dans le rôle de Ron Kovic, La Firme, Entretien avec un vampire dans le rôle de Lesta de Lioncourt, Jerry Maguire, Vanya Sky, Minority Report, Le Dernier Samouraï, Collatéral, La Guerre des Mondes, Valkyrie, Oblivion, Edge of Tomorrow, Jack Roger, Never Go Back, La Momie ou encore tous les Missions Impossibles 1, 2 et 3, Mission Impossible Protocole Fantôme, Mission Impossible Rogue Nation et le plus récent Mission Impossible Fallout dans le rôle d'Ethan Hunt. Avenir, en 2020, il sera à l'affiche de Top Gun Maverick. En 2021, il sera à l'affiche du Mission Impossible 7. Et 2022, Mission Impossible 8. Producteur de tous les Missions Impossibles, de Vanya Sky, Minority Report, Le Dernier Samouraï, Valkyrie, Jack Reacher, Oblivion, Jack Reacher, Never Go Back, Top Gun Maverick, sorti donc prévu pour l'année prochaine, et des Missions Impossibles 7 et 8. Avenir. C'est également l'année de naissance de Thomas Gibson, acteur américain, vu à la télévision dans As the World Turns, dans le rôle de Derek Mason, La Vie à tout prix, dans le rôle du docteur Daniel Nealon, Dharma et Greg, dans le rôle de Greg Montgomery, mais c'est vrai qu'on le connaît surtout pour son rôle de l'agent Aaron Hutchner, alias Hutch, dans Esprit criminel. 1969, naissance de Gideon Burkhardt, acteur allemand connu pour son rôle du commissaire Alexander Brotner dans la série Rex et son rôle de Chris Ritter dans Alerte Cobra. 1973, naissance de Patrick Wilson, acteur américain vu dans Le Fantôme de l'Opéra dans le rôle de Raoul, vicomte de Chagny, l'agence touriste, Insidious 1, 2 et 3 dans le rôle de Josh Lambert, Prometheus, Conjuring 1 et 2 dans le rôle d'Ed Warren. Il sera à l'affiche également du troisième volet, sorti prévu pour 2020, vu l'année dernière dans Aquaman dans le rôle d'Ocean Master alias Orm, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans Aquaman 2 dont la sortie est prévue pour 2022. 1975, naissance de Ryan McPartlin, acteur américain vu dans J. Edgar, la série télé du côté de chez Fran, Chuck dans le rôle de Devon Woodcombe, Les Experts Miami, Risoli and Isle ou encore Devious Maids. 1979, naissance de Ludivine Sagné, actrice française vue dans Cyrano de Bergerac, Rembrandt, Ma femme est une actrice dans le rôle de Géraldine, Huit femmes dans le rôle de Catherine, Swimming Pool. En 2003, dans le film Peter Pan où elle a interprété la fée Clochette, vu également dans L'Instinct de mort et L'ennemi public numéro 1 dans le rôle de Sylvia Jean-Jaco. En 2018, vu dans Rémi sans famille dans le rôle de Madame Barberin, la mère adoptive de Rémi. 1986, naissance de Thomas Bouaille, gymnaste français qui aux Jeux Olympiques a remporté une médaille d'argent et au championnat du monde une médaille d'or. 1987, naissance de Benoît Costil, footballeur français évoluant au poste de gardien de but professionnel depuis 2005 qui a joué à Caen, Vannes, Sedan, Ardennes, au Stade Rennais et depuis 2017, il joue à Bordeaux. C'est également l'année de naissance de Sébastien Vettel, pilote de Formule 1 allemand, vainqueur 4 fois consécutivement du championnat du monde de F1 en 2010, 2011, 2012 et 2013, comme seul avant lui l'avaient été Juan Manuel Fangio et Michael Schumacher. À son actif, 228 courses, 115 podiums et 52 victoires. 1993, naissance de Vincent Lacoste, acteur français, vu dans Les Beaux Gosses, dans le rôle d'Hervé, Low Cost, Astérix Obélix au service de sa majesté, dans le rôle de Goudurix, ou encore Plaire, Aimer et Courir Vite dans le rôle d'Arthur. 1996, naissance de Kenji Girac, chanteur français, découvert dans The Voice. En 1642, décédée Marie de Médicis, reine de France, veuve d'Henri IV et mère de Louis XIII. En 1935, décédée André Citroën, ingénieur polytechnicien français, pionnier de l'industrie automobile, fondateur de l'empire industriel du même nom en 1919. 1969, décédé Brian Jones, musicien britannique qui fut guitariste du groupe Rolling Stone de 1962 à 1969, notamment sur le titre Satisfaction, dont on écoute tout de suite un extrait. Voilà pour l'extrait des Rolling Stones. Et en 1971, décédé Jim Morrison, musicien américain, chanteur du groupe The Doors, dont on écoute un extrait du titre Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we get. Voilà pour l'extrait du groupe The Doors. Allez, comme tous les mercredis, on fait un point sur les sorties cinéma et on commence tout de suite avec Spider-Man Far From Home, un film d'aventure de John Watts avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal ou encore Zendaya. Autre film, Ibiza, comédie d'Arnaud Lemort avec Christian Clavier, Mathilde Seigné ou encore Joe Starr. Autre film, Yesterday, comédie musicale de Danny Boyle avec Himesh Patel, Lily James ou encore Ed Sheeran. Autre film, Quand on crie au loup, comédie de Marie-Lou Berry avec Marie-Lou Berry aux côtés de Gérard Jugnot ou encore Noé Wodecki. Et dernier film, Manou à l'école des goélands, film d'animation d'Andrea Bloch et Christian Haas avec les voix françaises de Camélia Jordana, Vincent De Dienne, Dominique Collignon-Morin. Voilà pour les sorties ciné. On passe tout de suite à une nouvelle pause musicale avec Michel Polnareff et on ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. Peur de la colère. On sera tous invités au bal, on ira tous au paradis. Avec les païens, et même les chiens, et même les requins, on ira tous au tous au paradis, Michel Polnareff. Alors s'il le dit, eh bien écoutez, rendez-vous tous là-haut. Allez, en tout cas nous on reste sur terre, hein. Il est 8h49 tout pile et il est temps pour nous de parler météo. La météo. Aujourd'hui, belle journée ensoleillée avec tout de même un petit peu de nuages. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés ce matin, entre 26 et 28 degrés pour cet après-midi. Jeudi sera une belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 26 et 28 degrés prévues pour jeudi après-midi. Vendredi, belle journée ensoleillée également. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 28 et 30 degrés prévues pour vendredi après-midi. Allez, on passe tout de suite à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et ce matin, je vais faire en sorte de ne pas oublier la moitié des informations comme c'était le cas hier matin. On va tout de suite commencer avec le football féminin et la demi-finale d'hier soir. Et ce sont les États-Unis qui se sont imposés 2-1 face à l'Angleterre. Ce soir, deuxième demi-finale, Pays-Bas-Suède. On parle transfert avec le football masculin cette fois-ci. Et Tanguy Ndombele qui a signé pour 6 ans à Tottenham. Et le feuilleton Griezmann devrait prendre fin normalement la semaine prochaine. Son transfert officiel entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone devrait donc être officiel la semaine prochaine. Un mot de hockey sur glace, transfert, celui de Pierre-Édouard Belmar qui va donc jouer pour le Colorado la saison prochaine. Il vient de signer un contrat de 2 ans. Ce sera le 3e club en NHL pour l'attaquant français après Philadelphie et Las Vegas. Et du côté de chez nous, le HC a officialisé la prolongation de Yann Pleur qui rempile pour une ultime saison. 45 ans. Eh bien, allez, on parle maintenant tennis avec tout d'abord une information concernant Andy Murray et Serena Williams. C'est officiel, ils seront bien associés en double mixte pour ce tournoi 2019 de Wimbledon. Dans les résultats en simple, tout d'abord côté dames, la qualification de de Pauline Parmentier qui a bénéficié de l'abandon de Maria Sharapova dans le troisième set. La Française avait perdu le premier set 6-4 avant de remporter le second 7-6 et la Française menait 5-0 dans le troisième set avant l'abandon donc de Sharapova. A noter l'élimination de Ferro en 2-7 face à Mertens, 6-2-6-0. Kristina Mladenovic s'est qualifiée en 3-7 face à Diatchenko, 7-5-6-7-6-2. Kerber s'est qualifiée en 2-7 face à Maria, 6-4-6-3. Serena Williams s'est qualifiée en 2-7 face à Gato Monticone, 6-2-7-5. Barty qualifiée en 2-7 face à Zheng, 6-4-6-2. A noter que Konta, Stevens, Kvitova, Bertens et Bencic se sont toutes 5 qualifiées en 2-7. Et à noter l'élimination en 2-7 de Muguruza. Au programme d'aujourd'hui, eh bien, pas de française sur les cours, mais il y aura Pliskova opposée à Puig, Kontaveit opposée à Watson, Wozniacki opposée à Kudermetova. Il y aura également Alep face à Buzarnescu et les matchs de Svitolina, Kiz et Sevastova. Côté messieurs, Lucas Pouille s'est qualifié en 3-7 face à son compatriote Richard Gasquet, 6-6-4-7-6. Il affrontera au prochain tour un autre français, Barrère, qui lui s'est qualifié en 4-7 face à Bublik, 3-6-6-4-6-3-6-3. A noter l'élimination de Manarino en 3-7 face à Cilic, 7-6-7-6-6-3. Joe Wilfried Tsonga s'est qualifié en 3-7 et 58 minutes face à Tomic, 6-2-6-1-6-4. Gilles Simon s'est qualifié en 3-7 face à Caruso, 7-6-6-3-6-2. Federer s'est qualifié en 4-7 face à Harris, 3-6-6-1-6-2-6-2. Nadal qualifié en 3-7 face à Sugita, 6-3-6-1-6-3. A noter l'élimination de Dominique Thiem en 4-7 face à Sam Querrey, 6-7-7-6-6-3-6-0. A noter les qualifications de Isner et Nishikori en 3-7, les qualifications en 5-7 de Kyrgios et Fonini et l'élimination de Shapovalov en 3-7. Au programme d'aujourd'hui, Moutet affrontera Auger Aliassim, Chardy se repose à Goffin, Humbert à Granollers et Père à Kekmanovic. Il y aura également Edmund face à Verdasco, Djokovic opposé à Kudla, Kachanov à Feliciano Lopez, Wawrinka à Opelka et les matchs de Anderson, Raonic ou encore Medvedev. Voilà pour l'actualité sportive, j'ai vérifié, cette fois-ci je n'ai rien oublié. On peut donc passer à notre dernière pause musicale signée Kenji Girac pour oublier. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. On passe à pleurer sa moncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. Ni futur ni passé, y'a plus ni futur ni passé. Kenji Girac sur RGM, presque 8h58, et c'est déjà donc l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 10h, les Ados avec l'IME, la dernière de cette saison. À 11h30, en route vers l'insertion avec Chris. Midi, la bulle de l'IA consacrée à la fête des cerises. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Alexandre. 20h, Nothing But The Blues. 21h, la rediffusion de Vurvécré à la montagne avec Vincent. Et minuit, la rediffusion de la bulle de l'IA. Nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.